Après le départ de Madame Pernelle, Dorine, la suivante de Marianne, restée seule avec Cléante, le frère d'Elmire, précise le portrait du nouvel Orgon, car Cléante s'étonne des propos que vient de tenir Madame Pernelle. Il sera question d'un mouchoir, le mouchoir était un tissu de dentelle dont les femmes cachaient ou paraient leur poitrine. « Oh, vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils, et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pis. » Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il appelle son frère et l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il ne fait, mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choie, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il y voit manger autant que 6. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on les lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit « Dieu vous aide ». Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles. Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui, qui connaît sa dupe et qui veut en jouir, par 100 dehors fardés, à l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes, et prend droit de gloser sur tous tant que nous sommes. Il vient nous sermonner, avec des yeux farouches, et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des seins, disant que nous mêlions, par un crime effroyable, avec la sainteté, les parures du diable.